t'arrête pas quand tu veux on se voit. Ils s'embêtent, mon bébé t'inquiète. Habibibi, mais là pas les oakiti. Bébé chou, habibibi, habibibi. J'ai le chouchou de nana, tu me crois pas c'est dommage. On fait des balances, balances, pas des blagues. Bangana kimi a bebebe, bose na simba a bebebe. Chou, chou, chou, ah maman. Chou, bébé nous sommes amoureux. Baby boo mon amour, amoureux. Yakalanga, yakalanga, mon bébé, mon bébé. On a la montagne, ma maman. Ningi salo keto, balu salo lena. Sheila nga yeyo, ningi salo keto, balu salo lena. Ozo bomanga, bebe fe comme ça, chéri doucement. Ogo bomanga, bebe na gai na yebi o boy me chetado. Mama ya banana yebi o boy me chetado. Cet amour, bébé nous sommes amoureux. Baby boo mon amour, amoureux. Yakalanga, yakalanga, mon bébé, mon bébé. On a la montagne, ma mama. Shinanga, bingi salo keto. Balu salo lena. Shinanga, bingi salo keto. Balu salo lena.